Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, vous commencez à être habitués parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça c'est quand même très très sympathique. Et aujourd'hui, une thématique qui me tenait à cœur, ça fait quand même plusieurs mois que je réfléchis et que je me dis qui est-ce qu'on va pouvoir invité, puisque aujourd'hui on va parler jeux et philosophie. Alors pourquoi cette thématique ? Les jeux sont des petites boîtes dans lesquelles on expérimente des choses, on met des règles, on les transgresse parfois. Le jeu est une sorte de champ des possibles où justement on peut faire parler sa créativité ou ses idées. Et donc c'est l'occasion peut-être d'interroger, non pas le jeu, mais peut-être la philosophie par rapport au jeu. Est-ce qu'il y a du jeu dans la philosophie ? On le verra peut-être et je vais laisser Manuel Bedoué, mon cher camarade, présenter l'invité du jour. Bonsoir Adrien, bonsoir aux auditeurs. Alors aujourd'hui effectivement on reçoit quelqu'un qui a l'habitude de manipuler des concepts quand il conçoit ses jeux et de faire travailler tout ça ensemble. Il s'agit d'un créateur de jeux de rôle en l'occurrence, mais pas que, il a fait aussi un peu de jeux de société. On lui doit Sens Exalogie qui est en cours de publication. On lui doit aussi le Val des Étoiles et puis enfin un essai qui mêle ses réflexions philosophiques et ludiques, le Maelstrom. Il s'agit d'une voix bien connue des amateurs de jeux de rôle pour peu qu'ils écoutent aussi des podcasts, puisque c'est Romaric Briand, l'animateur, le grand timonier du podcast de La Cellule. Qui nous rejoint aujourd'hui, parce que Romaric a l'indéniable avantage pour nous sur cette thématique de, en plus de faire du jeu de rôle, d'avoir un bagage en philosophie, ouais. et de mêler les deux. Romaric, bonsoir. Salut Manuel, salut Adrien, je suis très heureux de passer de l'autre côté du casque, ça me fait très très plaisir d'être là avec vous. Eh ben écoute, j'allais te poser la question de savoir si t'avais la pêche ou la patate. J'ai la pêche et la patate, un petit peu des deux, figure-toi, c'est ça qui est bien. Je suis super content. Je voudrais juste corriger un petit truc dans ta présentation. Corrige. Tu me présentais d'abord un peu comme un créateur de jeux et ça c'est pas vrai en fait. En fait, je suis d'abord philosophe et le fait de faire de la philosophie m'a amené à créer des jeux. Et ça va peut-être être important pour la suite de notre discussion. Ah, j'ose espérer. Du coup, on peut commencer tout de suite en attaquant dans le vif du sujet. Oui. Est-ce qu'on peut faire de la philosophie avec des jeux ? Alors, oui, plein. D'abord, moi, je voudrais revenir un petit peu sur la définition du jeu qu'a donné Adrien en préparation du podcast. Il dit finalement que c'était quelque chose pour faire l'expérience de règles, en fait. Moi, je pense avant tout que le jeu, que ce soit le jeu de société ou le jeu de rôle, je pense surtout à ces deux jeux-là, c'est avant tout, en fait, de se poser des questions ensemble. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que la philosophie, si ce n'est justement se poser des questions tous ensemble. Quand on joue aux échecs, quand on joue à des jeux de plateau, quand on joue à des jeux de rôle, on est sans arrêt en fait en train de se poser des questions sur des situations possibles, sur ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Et ça, ce qui dit justement ce qu'il est possible ou pas de faire, c'est ce que tu disais en préparation du podcast, ce sont justement les règles. Donc à travers l'expérimentation d'une liberté laissée par des règles, on expérimente aussi, ou en tout cas on se donne aussi, la possibilité de se poser des questions. Et certains diraient même, certains philosophes, des gens comme par exemple Colas Duflot, mais pas uniquement, des gens comme Henriot, pourraient dire que c'est aussi l'occasion de se poser des nouvelles questions, des questions inédites, des questions qu'on ne s'était pas posées jusque-là. Alors du coup, la connexion entre le jeu et la philosophie est faite immédiatement. en introduction du podcast. Je ne sais pas si vous posez des questions au cours du truc. Généralement, voulais, si, mais... Je ne sais pas comment vous demander la parole. Est-ce que... On lève la main, okay, un peu comme à l'école. Parce que je te vois, comme tu t'es saisi du micro, Adrien, je me suis dit, ça se trouve, tu... n'hésitez pas. Mais termine. Voilà. J'ai un très bon ami qui s'appelle Olivier Roy, avec qui je discutais... dans une soirée il n'y a pas si longtemps de ça, de philosophie et de jeu, parce que nous avons tous les deux un cursus identique, à savoir qu'on a fait de la philosophie et qu'on se consacre tous les deux au jeu. Bon, lui il est plutôt dans le jeu vidéo, dans le game design en matière de jeu vidéo, à travers une boîte qui s'appelle One Life Remains, mais également à travers une école qui s'appelle l'ICAN à Paris. Et on est tous les deux arrivés, enfin c'est surtout lui qui le proposait, faut rendre à César ce qui appartient à César. Il proposait l'idée que finalement la philosophie c'était le premier des jeux, en fait, parce que la philosophie ça consiste à poser une question qui remet en cause des dogmes, et c'est ce qu'il appelle lui remettre en jeu, c'est à dire qu'à un moment donné une question fait l'évidence pour tout le monde, quelque chose est évident, et le philosophe c'est celui, l'empêcheur de tourner en rond, qui va dire bah non, en fait c'est peut-être pas si évident que ça, on va remettre en jeu. On va critiquer la notion, on va tenter de déséquilibrer le système. Et il disait comme ça que finalement, peut-être le philosophe, c'était, et la philosophie en règle générale, c'était le premier des jeux en matière de... J'ai plein d'autres trucs à dire. Je suis surpris, Adrien. Non, il faut m'interrompre, hein, parce que sinon, je vais parler tout le temps. Hein. Mais c'est aussi le but, puis on profite, ouais. On a le temps. C'est la joie du podcast que tu connais tout bien. Fait. En fait, c'est, je vais un petit peu commencer à titiller ce qu'on dit. Effectivement, le jeu et le philosophe posent des questions, et en fait, quand je vois certains jeux de rôle un peu compliqués, où il y a beaucoup de statistiques, etc., quand je vois les problématiques de l'équilibrage du jeu de société, ouais. Je commence à me demander si, en tout cas, le format jeu de société, jeu de rôle, n'est pas plus une question mathématique que philosophique. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que c'est faire face à des problèmes aussi. Déjà, j'ai personnellement, de par mon cursus, énormément de mal à distinguer les mathématiques de la philosophie. Je pense que... Alors c'est un peu compliqué. Je sais pas si on peut rentrer dans les détails, ce serait peut-être un peu complexe, puis j'ai pas bien préparé cette question, en fait. Les mathématiques, en fait... contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ce n'est pas une science. Alors je sais que la définition sur Wikipédia me contredit. C'est bon, vous avez vérifié. Voilà, il a tort. Regardez sur Wikipédia, on dit que c'est une science. En fait, pour moi, les mathématiques, c'est avant tout un langage qui définit ses propres signes à travers des propositions qui sont des tautologies, c'est-à-dire des phrases toujours vraies. Quand je te dis 1 plus 1 égale 2, je te montre indirectement le sens de 1, le sens de plus, le sens de égal et le sens de 2. Et en fait, ce n'est que lorsque je vais te montrer 1 plus 1 égale 2, 2 égale 2, 3 moins 1 égale 2, etc., que je vais te signifier le sens de égale 2, en fait. Et en te montrant plusieurs propositions, en te disant ces propositions sont toujours vraies, je te montre le sens des signes que j'emploie. Alors... Finalement, donc, les maths, c'est un jeu de langage dans lequel on montre le sens des signes à travers l'itération de propositions. Et tout ça nous approche gentiment quand même de ce qu'est la philosophie, qui est quand même une sorte de métalangage, c'est-à-dire un truc qui parle d'un autre truc. La philosophie, c'est toujours ça. C'est toujours de l'épistémologie, c'est de la philosophie qui parle des sciences. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre comme philosophie la philosophie du langage, voilà, la philosophie politique, la philosophie éthique, qui parle de la morale, etc. Donc c'est toujours quelque chose qui tend à donner la signification des termes que l'on emploie, à mieux comprendre et à donner des définitions des termes que l'on emploie. Autrement dit, quelque part, les mathématiques, c'est un peu la philosophie parfaite. C'est un peu la philosophie dans un monde idéal, dans lequel on sait qu'il y a des choses qui sont clairement définies, etc. Alors que dans notre monde, on sait, le langage évolue, les systèmes de pensée évoluent, et donc du coup, les choses sont beaucoup plus complexes et toujours en déséquilibre. Bon, voilà. Déjà, premier point. Donc déjà, Bon, pour moi, les mathématiques, ce serait presque une forme de métalangage aussi. Et donc, du coup, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais en tout cas, on comprend la porosité des deux domaines. Parce qu'on comprend qu'en fait, les mathématiciens soient des philosophes et que les philosophes soient des mathématiciens. Ce qui n'est pas forcément vrai, hein, parce que quand on regarde, par exemple, dans des facs de mathématiques, on trouve assez peu, finalement, de gens qui réfléchissent à la philosophie des mathématiques. Assez peu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis qu'il y en a assez peu. Mais par contre, on comprend facilement la porosité parce que, par exemple, si on prend mon public, par exemple, avec Sens, il y a beaucoup de mathématiciens, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'informaticiens, beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine des sciences ou dans le domaine des maths. Mais énormément. Hein. Darky, c'est un mathématicien. Pierre Milaz, ce sont des mathématiciens. Tous ces mecs ont fait Maths Sup, Maths Spé. Enfin, c'est impressionnant. Donc, je pense que assez rapidement, quand on parle de la philosophie à un mathématicien, ça le fait super triper. Mais vraiment. Et ça, il faut bien l'expliquer. Moi, je pense que ça s'explique justement à cause de la porosité des deux domaines. Olivier Caïra, dans Les Forges de la Fiction, dit aussi que le rôliste, parce qu'il se consacre au jeu de rôle à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est à la fois un littéraire et un analytique. C'est-à-dire c'est à la fois quelqu'un qui a des qualités de lecteur, mais aussi quelqu'un qui a des qualités de réflexion mathématique, etc. Donc, alors, est-ce que les maths empêchent la philosophie? Non, c'est juste qu'il ne s'agit pas de la même philosophie, que les termes que l'on travaille ne sont pas les mêmes. J'avoue que ta question me pose beaucoup de problèmes. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, ce que tu veux dire, c'est que quelque part, pour philosopher, il faudrait avoir une espèce de liberté. Mais alors, je sais pas comment. Mais et que les maths, quelque part, à travers ces jeux où les systèmes sont très très lourds, nous en privent. Elles nous privent de nous éloigner trop des règles pour. Et donc, dans ce cas-là, tu entends par philosophie le fait de prendre du recul sur des choses. Enfin, je sais pas, j'aimerais. Je vais repréciser si ouais, tu veux. Ouais, je veux bien analyser. En fait, je pensais à l'aspect mathématique dans l'aspect logique, calcul. En fait, les démonstrations 1 plus 1 est égal à 2 est hyper intéressante à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que le jeu, parfois, a cette tendance, bien ou mal, je sais pas à moi de juger, à nous poser des problèmes et à nous donner des solutions, des solutions optimales pour essayer des solutions finies en fait. Parfois, pas fond, totalement, mais. Et dans le fond, tu penses que la philosophie c'est un domaine dans lequel il n'y a pas de solution finie, ou il n'y a même pas de solution du tout d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que la philosophie c'est l'art de se poser les bonnes questions et c'est l'art de poser les questions avant tout. Et qu'à partir du moment où on commence avec la philosophie à faire un système, on sombre dans le dogmatisme et du coup que ce n'est plus de la philosophie à ce moment-là. Et toi, en fait, ton idée, c'est de dire finalement, les jeux de société, parce qu'ils proposent des modèles, on va dire, de calcul limités ou finis, du coup, ils nous poussent forcément à s'inscrire dans un cadre limité, et donc il finira forcément par être dogmatique. C'est-à-dire, on finira par dire la planche d'échec, quoi. Là. Alors qu'il y aurait une autre manière de définir le jeu, qui serait justement celle que tu disais au départ, c'est-à-dire comme exploration des libertés dont on dispose. Mais il me semble qu'à partir du moment où il y a une solution optimum pour gagner un jeu. À ce moment-là, le jeu ne laisse plus libre personne, tu vois. Le morpion, on voit pas. Il y a des libertés, mais bon, enfin, je sais pas. C'est une question épineuse. Hein. Mais je trouve qu'il y a un présupposé dans ta question, en fait, que j'ai du mal encore à identifier, mais qui me semble pas forcément justifié. Je crois que les jeux sont des exercices de réflexion, dans tous les cas. Moi, je comparerais les jeux à des problèmes, mais vraiment au sens des problèmes comme on donne en maths aux gamins pour les faire s'exercer, faire de la gymnastique d'esprit, en fait, en mathématiques. Souvent, les gosses, moi, je sais parce que j'enseigne aussi à des élèves au collège et au lycée, et ils me disent souvent, mais les maths, ça sert à rien. Et je leur dis souvent, mais c'est comme dire le sport, ça sert à rien parce que l'activité est vaine et ne permet d'obtenir aucun résultat. Le sport, ça sert à quelque chose. Ça sert à maintenir vos muscles en bonne santé, à maintenir votre corps en bonne santé, vous maintenir hors de l'eau, tout simplement. Et les mathématiques, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est une gymnastique d'esprit. Ça vous sert à effectuer des raisonnements dans des domaines abstraits, etc. Et quelque part, le jeu, c'est un peu pareil. Donc, je dirais que le jeu, tel que tu l'entends là, avec vraiment... des problèmes mathématiques, si j'ose dire, exerce l'esprit à la réflexion logique, analytique, et donc sera un outil d'exercice pour la philosophie par la suite, mais ne consiste pas en lui-même, effectivement, l'exercice de la philosophie. C'est pas... Mais par contre, oui, c'est un exercice qui permet ensuite de devenir peut-être un meilleur philosophe, je ne sais pas. C'est le fitness du cerveau, quoi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que le jeu, c'est... Mais c'est ça. C'est exactement ça. Eh bien, écoute, après avoir réussi à résumer toute cette réflexion dans une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, je vais repartir sur... Parce que là, on est parti sur les chapeaux de roue, mais je vais repartir un peu sur des choses plus personnelles te concernant, puisque, comme tu le disais, tu as d'abord un parcours en philosophie avant d'avoir un parcours en jeu. Comment on fait la bascule? Comment on passe de l'un à l'autre? Ou même si tu n'es pas complètement passé de l'un à l'autre, tu n'abandonnes pas la philosophie, mais comment est-ce que le jeu est devenu un champ de recherche pour toi? Alors déjà, moi la philosophie qui m'a tout de suite passionné quand je suis arrivé à la fac, j'ai eu la chance d'avoir un excellent prof, deux excellents profs en fait, même en fait ils étaient tous très très bons, mais les deux qui me retiennent particulièrement mon attention, c'était Philippe Drapeau-Conti et Pascal Ludwig, qui sont tous deux en fait des philosophes qu'on dit analytiques. Ce sont des philosophes en fait qui s'interrogent avant tout quand on leur pose une question. La première question qu'ils se posent, c'est quel est le sens des termes employés dans cette question et dans quel contexte linguistique la phrase est employée. Et ils s'évertuent, les philosophes analytiques, en tout cas une certaine partie d'entre eux, s'évertuent à montrer que la plupart des questions de philosophie proviennent d'incompréhensions mutuelles entre les personnes qui discutent, d'incompréhensions sur le sens des termes employés. Et donc la philosophie analytique, ça consiste à analyser les termes employés dans les propositions et à voir jusqu'où justement les erreurs qu'on commet dans la définition qu'on met sous nos termes nous poussent à avoir des désaccords. Donc c'est vachement intéressant comme discipline. Ça pousse à essayer d'avoir le langage le plus précis possible. Et donc, un des domaines particuliers d'analyse de la philosophie analytique, et là où elle s'est développée, c'est grâce à des gens notamment comme Gottlob Frege, qui sont des gens qui ont cherché à fonder en fait les mathématiques, justement. Et donc, c'est pour ça aussi que je parlais des mathématiques tout à l'heure. Gottlob Frege, puis Russell avant lui, puis ensuite Wittgenstein, qui sera mon master, mon véritable maître à penser. Donc, c'est là que la bascule avec le jeu se fait. J'y reviendrai tout à l'heure. Restez un petit peu sur la philosophie analytique avec moi. C'est qu'en fait, ces gens-là considèrent que il faut d'abord fonder la logique, les mathématiques, pour ensuite trouver des bases assurées pour la science. Et finalement, il y a un peu cette espèce de fantasme chez les philosophes analytiques, et qui, à mon avis, est de l'ordre du fantasme, qui est qu'on va faire en sorte que la philosophie, à un moment donné, soit aussi solide, robuste et expérimentale ou expérimentable, je ne sais pas comment le dire, enfin tu vois, aussi expérimentable que les sciences dures. Et ça, je trouve ça fabuleux. Enfin, l'idée. Et c'est des gens qui sont également très modestes parce qu'ils ne pensent pas, par exemple, qu'il y a des grands auteurs. Mais par contre, ils pensent qu'il y a des grands arguments, des grandes propositions. Donc du coup, ils sont moins attachés à la personne. Par exemple, en France, c'est très... regardez la manière dont on enseigne la philosophie au lycée. On enseigne Kant, Descartes, etc. On est très attaché au nom des personnes. Les philosophes analytiques, ils s'en foutent. Ils sont là pour dire des choses intéressantes et puis que leur nom soit attaché à ça ou pas. Bon, c'est important quand même, hein, on se bat facilement pour la paternité d'un article. Mais finalement, c'est un peu moins important, parce que ce qui va compter, c'est vraiment l'argumentation. C'est aussi des personnes, et là, on y arrive à la réponse à ta question, c'est aussi des personnes qui raisonnent très souvent en « imaginez que ». Imaginez un monde possible où. Imaginons que vous soyez dans telle situation. Est-ce que vous diriez... Il y a un exemple que j'aime beaucoup. Pour illustrer ça, c'est l'exemple de la montre. On demande à quelqu'un quand est-ce que vous pensez que quelqu'un sait l'heure qu'il est. Alors on dit bah c'est quand il regarde sa montre, qu'il sait lire l'heure et qu'il nous dit l'heure qu'il est. Et là on dit bah voilà, là il sait lire l'heure, tu vois. Oui, mais imaginez, alors là on dit oui, mais imaginez qu'en fait sa montre la fois passée, le jour d'avant, s'est arrêtée à l'heure précise où il est en train de la regarder. Est-ce que vous diriez qu'au moment où il dit il est 3 heures, il sait quelle heure il est? Et vous voyez, ces genres d'exercices, on est là, mais attends, tu te fous de ma gueule là, Philippe, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi tes conneries de montre là? Et en fait, à travers des questions et des mondes possibles, on va interroger le sens que l'on met sous le terme savoir, sous le terme croyance. Est-ce qu'il croit qu'il est 3 heures ? Oui. Mais est-ce qu'il sait qu'il est 3 heures ? Non. Et on va comme ça faire des distinctions dans des grands termes. La beauté, on va pouvoir aussi comme ça interroger notre conception du beau, du laid. Et bref, le bon, le bien, le mal, la croyance, le savoir. Et là, on tombe sur des, vous voyez, des grands concepts. La conscience, l'inconscient, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est conscient, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est inconscient. Mais imaginez qu'il s'est réveillé la veille, qu'il a fait la fête à Rennes et que tout ça. Et on, à force de monde possible, comme ça, on précise en fait les termes. C'est ça la philosophie analytique. Et là, je crois que vraiment, il n'y a plus besoin d'expliquer en quoi ça nous amène naturellement au jeu de rôle. Qu'est-ce que le jeu de rôle ? Sinon, justement, faire des mondes possibles, créer des mondes possibles pour mieux comprendre, en retour, la signification des termes que l'on emploie dans ces mondes possibles. Et du coup, la bascule s'est faite automatiquement, et notamment à travers un philosophe qui s'appelle Wittgenstein. Alors, tu veux que je te parle un peu de Wittgenstein, Manuel, ou pas du tout ? Alors, oui, mais avant... Sans rentrer dans les détails. Tu étais gamer avant de Absolument. Commencer des études de philosophie ? Tout à fait, j'étais gros gamer. Est-ce que tu faisais du jeu de rôle ? Je faisais du jeu de rôle. Tu faisais déjà du jeu de rôle avant de commencer tes études de philosophie ? Je faisais déjà du jeu de rôle avant de commencer. Pourquoi ? C'est parce que tu croyais ? Non, il me semblait que t'avais eu une approche pas mal, notamment par le jeu vidéo, avant de découvrir le jeu de rôle. Et... Alors, mon premier jeu, vraiment, les premiers jeux, effectivement, c'est jeux vidéo. C'est Mario Bros, c'est Mario Bros 3, c'est Zelda, c'est Mystic Quest, des jeux comme Mystic Quest qui sont absolument remarquables. C'est de la Game Boy, c'est de la NES, etc. Je suis un enfant des années 80, hein, 1980. Je suis né en 1983 et comme beaucoup d'entre nous, j'ai vécu l'émergence de l'essor en fait du jeu vidéo après crise en fait. Et donc la manière dont la Nintendo a révolutionné les pratiques au niveau du jeu vidéo et tout ça. Donc, moi, je suis vraiment un gamer mais à fond quoi. Je collectionne les jeux vidéo. Je veux dire, je suis moi aussi un joueur du grenier, tu vois. Je crois que t'es un joueur de Magic aussi. Si et voilà, exactement. En cinquième ensuite, je découvre Magic. Qui va vraiment bouleverser complètement ma vision même du jeu et tout simplement mon univers parce que je cesse de jouer autant aux jeux vidéo et je commence à me consacrer en fait à travers Magic à des choses beaucoup plus narratives, à effectivement des jeux vidéo qui racontent des histoires avec de préférence des choses un peu fantastiques, des dragons, je vais m'intéresser beaucoup plus, à Secret of Mana, à Illusion of Time, à Secret of Evermore, à plein de jeux comme ça en fait. Là où avant je m'intéressais plus à du plateforme, beaucoup à du pampan, à du Tortue Ninja, des licences, voilà, comme tous les gosses quoi. Donc Magic c'est vraiment un gros truc, mais je pensais pas que Magic allait me changer à ce point-là. Petit à petit, à travers Magic, forcément, bah, je rencontre des joueurs de jeux de rôle parce qu'il y a une énorme congruence entre les deux milieux, tout simplement. Et là, il y a donc Benjamin Guérand qui me fait jouer Benjamin Guérand que les GNIS peuvent connaître parce qu'il fait, à l'heure actuelle, produit énormément de décors pour des GN assez gros. Donc voilà, vous l'avez peut-être déjà rencontré. C'est qui me fait jouer à Vampire. La mascarade. Et là, je tombe littéralement amoureux du média. Quoi. Enfin, le jeu de rôle, ça défonce. Quoi. C'est vraiment génial. Depuis, je ne regarde plus de films. Je ne lis plus vraiment pas beaucoup de livres, des listes, des histoires, des romans, ce genre de choses. C'est très difficile pour moi. Je m'ennuie. J'ai envie de jouer. Je lis beaucoup de philo, encore, des articles, tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans les films, à rentrer dans tout ça. Donc, tu vois, et ça, finalement, ça va aussi... le jeu de rôle va écraser complètement même ma pratique du jeu vidéo. Au fur et à mesure, je vais commencer à jouer de moins en moins parce que je vais être frustré par les jeux vidéo qui sortent. Il y a aussi l'industrie du jeu vidéo qui explose. C'est à un moment donné où il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Heureusement, maintenant, avec les jeux indépendants, on retrouve un souffle nouveau, mais pas à l'époque où je te parle là. Et donc voilà, faire le jeu de rôle, c'est quelque chose de très chronophage. Donc à partir du moment où tu commences à jouer au jeu de rôle, c'est difficile de maintenir au top toutes tes activités ludiques. Donc j'ai continué à jouer à Magic, j'ai continué à jouer au jeu de rôle, un tout petit peu au jeu vidéo. Et voilà. Ce qui est intéressant avec la réponse juste avant, en fait, c'est que tu parlais de philosophie analytique qui décortiquait vraiment les mots pour essayer d'atteindre vraiment un peu une sorte de cœur universel, ouais. Même si c'est quelque chose qui doit être très très compliqué, surtout quand il y a des barrières de langue. C'est clair. Est-ce que justement, c'est pas ça qui t'a intéressé ? L'idée de système, en fait, où on va définir chaque mot et ce sera ça et pas autre chose, et avec ces mots-là, on va commencer justement à créer du jeu, au sens créer un espace dans lequel on va évoluer. C'est vraiment ça qui t'intéressait, et pourquoi à ton avis ? Est-ce que ça vient... C'est des questions vachement compliquées que tu me poses, parce qu'elles sont à la fois analytiques et intimes, en fait. C'est-à-dire que tu es en train de me poser des questions qui sont d'ordre de la psychologie, quoi. Tu es en train de me demander, est-ce que finalement ça te plaît d'être dans un monde dans lequel tout est bien défini, peut-être, etc. Je ne sais pas. Oui. Alors ouais, effectivement, peut-être. Honnêtement, je sais pas. C'est pas comme ça. Disons qu'en fait, ce qui s'est passé avec le jeu de rôle, c'est que j'ai senti qu'il y avait un potentiel pour faire de la philosophie analytique à l'intérieur. Et surtout, un potentiel pour faire en sorte que les gens fassent de la philosophie analytique sans s'en rendre compte. Qu'ils réfléchissent à de l'épistémologie, à de la philosophie du langage, en ayant l'impression de se divertir. Et en ayant l'impression de s'amuser. En tout cas, enfin, alors, mais en fait, ils s'amusent et en fait, ils se divertissent. Mais en même temps, ils sont en train de produire ce qu'ils appelleraient en temps normal un travail. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et après, de savoir si psychologiquement, il y a quelque chose lié vraiment à ma psychologie, là, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Mais c'est une question intime. Il faudrait que je prenne du temps pour prendre du recul et y réfléchir. Et comment se passe le déclencheur entre le moment où tu joues, le moment où tu fais de la philosophie et le moment où tu te dis « Ok, là, je peux écrire quelque chose qui va mettre en jeu mes problématiques philosophiques. » Comment ça se passe ? Tu commences à écrire un jeu et tu réalises que tu vas pouvoir y plonger tes obsessions plus ou moins conscientes, ou c'est une démarche très consciente dès le début de dire « Ok, on va travailler de la philosophie sous cet angle-là. » Le grand-père, l'arrière-grand-père de la philosophie analytique, c'est Aristote. Et Aristote, il disait qu'en gros, l'étonnement était toujours source de philosophie. S'étonner des choses est toujours une matrice de philosophie. Or, il me semble qu'une bonne partie de jeu de rôle, et une bonne partie de jeu en règle générale, c'est l'émergence d'un problème qui nous surprend, qui nous étonne et qui amène à des solutions originales. Et apprendre en fait à trouver des solutions originales et avoir des problèmes originaux, c'est ce qui crée le plaisir en fait, de découvrir des nouvelles solutions à des problèmes qu'on ne s'était et à des nouveaux problèmes, dirait Codet Duflo, des nouvelles solutions à des nouveaux problèmes. Et donc, forcément, en fait, il y a un lien entre l'activité ludique de se poser des nouvelles questions et de se poser des situations problématiques et la philosophie qui est juste l'activité qui problématise tout et qui justement fait d'une situation qui était encore une fois une évidence d'un coup un problème. Donc la bascule, tu vois, tu dis à un moment donné t'es dans le jeu puis après t'es dans la philosophie. Non, en fait, t'arrêtes pas d'être dans la philosophie. Oui, mais ta démarche de création, à quel moment c'est conscient ? Est-ce que le début, tu as l'intention de proposer un jeu avec un sous-texte philosophique ? Ça n'a jamais été conscient chez moi. C'est-à-dire que quand j'ai créé Sens, je me suis aperçu de fait, et je pense que c'est dû au contexte dans lequel est créé Sens. Ce qu'il faut voir, c'est que Sens Exalogie, c'est un jeu qui est créé alors que on est tous ensemble à la fac de philo avec Cédric Kersao, Thomas Fournier, François Lecor et Flavie Garnier, qui deviendra ma femme. On est tous les quatre à la fac de philo et intéressés, passionnés par la philosophie analytique. Donc forcément, dans les parties de jeu de rôle et dans les situations qu'on est en train de créer ensemble, à travers les quadrillas, l'ombre monde, Miphos Quadrilla, Soren Solipsis et tous les personnages de Sens, forcément, on met les questions qui nous intéressent à ce moment-là. Donc c'est complètement inconscient, si tu veux, Manuel. Et de fait, on se rend compte que lorsqu'on fait jouer des gens sur des conventions, on s'aperçoit d'un truc de fou. C'est-à-dire que ces gens se retrouvent dans une attitude ludique qui est exactement celle qui était la nôtre. Et là, il y a de la magie. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui est très, très bizarre, qui est exactement celle qui était la nôtre au moment où on a créé le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, en transmettant Sens, les règles de Sens et l'univers de Sens à des gens, on crée des écosystèmes, des microcosmes qui sont rigoureusement identiques aux nôtres. Quand on rencontre Maxime et Morgane avec Flavie la première fois, quand on rencontre surtout Adrien et Shadow, qui sont les premiers MJ de Sens que l'on rencontre, ils nous racontent leur partie Et on se dit, non mais c'est incroyable, vous êtes en train de mener les réflexions que l'on menait avec ce jeu. Et alors que moi, je ne suis pas certain que Sens est un jeu réussi, parce que évidemment, quand Sens sort, j'ai aucune idée de savoir. À partir du moment où j'ai ces premiers retours, je me dis, non mais c'est bon, j'ai réussi à transmettre mon jeu, ou en tout cas. Et alors, est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? J'en ai aucune idée. Moi, pour moi, c'est complètement de la magie, si tu veux. Ce que je dis aussi avec Leval. Alors, Fabien serait là, il me dirait, mais non, Romaric, c'est pas de la magie. Fabien Invine. Fabien Invine, évidemment. D'accord. Il serait là, il me dirait, mais non, c'est pas de la magie, c'est parce que c'est des processus de création que t'as mûri pendant des années, que du coup, pour toi, ils sont devenus naturels, et donc, tu te rends pas compte, mais inconsciemment, on en vient à ce mot d'inconsciemment, tu transmets ça à travers l'univers de Sens, etc. Et ça, mais... Franchement, Manuel, je pourrais pas te répondre là-dessus. Il faudrait interroger quelqu'un qui aurait plus de recul que moi, en fait. Parce que le nom du jeu n'est pas anodin. Mais non, mais même le nom du jeu, c'est fou. Non, mais bien sûr, bien sûr. Le sens des mots qu'on emploie. Bien sûr, tu me le fais pas réaliser, mais à travers cette discussion, je réalise à quel point ce mot, il était important dès le départ, effectivement. Mais J'ai commencé ma carrière de rôliste sur Casus Eno par un gros troll, parce qu'en fait donc à l'époque on discutait beaucoup de publications. Alors Casus Eno pour nos auditeurs, c'est un forum de jeux de rôle, voilà, qui est assez connu dans le milieu du jeu de rôle parce qu'il dépendait jadis du magazine Casus Belli, donc qui est le magazine phare et emblématique de la population rôliste. Et en fait j'ai commencé ma carrière de rôliste par jeu de rôle et métaphysique sur Casus Eno, qui était un gros troll en fait. Il est volontairement trollesque, aujourd'hui je le dis et je l'affirme. Parce qu'on m'avait dit qu'en gros, le jeu qui marchait, c'était le jeu qui réussissait à faire le plus de trolls sur les gros forums rôlistes. Donc j'ai balancé direct du lourd. Je suis allé sur Casus et j'ai dit, bah voilà, mon but c'est de faire de la métaphysique avec Sens. Et évidemment, dès que quelqu'un propose de faire réfléchir avec un jeu, tout le monde lui tombe dessus en disant non, le jeu c'est du divertissement, c'est pas fait pour réfléchir. Ça, on va y revenir tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Et donc du coup, c'était très très amusant et ça a franchement créé le buzz autour du jeu et ça a fait en sorte que le jeu sorte. Et dans ce trend, j'émettais l'idée que finalement, tous les rôlistes sont des métaphysiciens. Sur ce fil de discussion, j'émettais l'hypothèse que tous les... Enfin non, j'assénais la vérité universelle selon laquelle tous les rôlistes étaient métaphysiciens. Parce que l'activité métaphysique, ça consiste à se poser des questions sur, en partie, entre autres, sur les mondes possibles. Et imaginer un jeu de rôle, c'est imaginer un ensemble de règles, y compris... Quand j'entends ensemble de règles, j'entends aussi l'univers, parce que pour moi, l'univers n'est rien d'autre qu'un ensemble de règles également, qui donne à voir, à percevoir, à contempler, à imaginer un autre monde possible. Et à partir du moment où on se projette dans un autre monde possible, on importe indirectement de la réalité des structures qui viennent de notre monde réel, en fait. Une chaise, vous avez beau être dans un monde possible, elle aura les propriétés combinatoires d'une chaise dans le monde possible. Et donc, à partir du moment où on explore tous les mondes possibles, il y a une phrase célèbre qui dit, on l'entend notamment dans les Shadok, qui dit « La métaphysique, c'est ce qui reste quand tout par ailleurs a changé. » Eh bien, quelque part, c'est exactement ça. C'est-à-dire que faisons l'expérience de tous les mondes possibles, c'est bizarre comme phrase, mais faisons l'expérience de tous les mondes possibles, et alors nous verrons les choses qui n'ont pas varié, et nous verrons apparaître, par transparence, la structure métaphysique de notre univers. Et donc j'étais parti dans cette idée-là, tu vois, déjà de faire le parallèle entre le monde possible et la métaphysique. Je vais poser une question qui me vient quand tu parles de comment tu as écrit Sens un peu. J'ai l'impression qu'en fait il y a une sorte de triptyque dans tout ce qu'on dit. Il y a sur le philosophe, le créateur de jeu et peut-être le joueur. Oui. Je me demande, au sein du jeu de rôle, est-ce que le philosophe serait pas... Donc, quand je dis philosophe, je dis la personne qui pose des questions. Oui. C'est pas le MJ. Et du coup, qu'est-ce que le joueur si le MJ est le philosophe? Alors, le MJ pose les situations problématiques. Attention. Poser les situations problématiques, c'est-à-dire être source d'étonnement. Mais ceux qui se posent vraiment les questions, ce sont les gens qui contemplent l'événement étonnant, qui se posent des questions sur l'origine de cet événement, qui s'interrogent sur comment il a été engendré, pourquoi il fait ça, pourquoi ce personnage prend la parole à ce moment-là, pourquoi ce personnage décide de nous combattre alors que pourtant on a l'air allié, qu'est-ce qu'il fait ? Tu vois, le MJ crée des situations problématiques, mais ce sont les joueurs qui se posent les questions. Est-ce que tu vois là, il pose les problèmes, les joueurs se posent les questions. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Ceci dit, en amont, en tant que créateur de jeu, de rôle philosophique, comme l'essence, on appelle des philo-fictions, hein, tu dois te poser... Je suis pas le seul, hein, au passage. Hein, il y a aussi Fabien Invine, hein, à travers son jeu de rôle qui s'appelle Monostatos, qui produit en fait un univers propre à faire se poser des questions... d'ordre métaphysique ou mystique, mais il y a encore beaucoup de gens, hein. Il y a aussi Colin qui travaille en ce moment avec moi sur un jeu qui s'appelle Une Rose pour l'Empereur, qui fait également cela. On trouve également cela sur La Route de Chrysopée, le jeu qui fait un carton en ce moment de Morgane Régnier. C'est un jeu qui fait un carton en ce moment. Elle n'arrive, c'est-à-dire que elle en vend tellement qu'elle n'arrive pas à en réimprimer, parce que elle imprime et elle, quasiment la semaine d'après, il y en a plus. Donc c'est victime de son succès quelque part. C'est incroyable. Donc on est plusieurs comme ça à faire de la philo-fiction. Dans tous les cas, je sais que les auteurs en amont se demandent quel genre de problème j'ai envie de poser. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une question quand même avant qui est quel genre de problème j'ai envie de poser. Est-ce que j'ai envie de poser des problèmes autour de la féminité, autour de la masculinité ? Est-ce qu'au contraire, j'ai envie de poser des problèmes autour du déterminisme, de la liberté, comme c'est le cas dans le sens ? Est-ce que j'ai envie de poser des problèmes autour du voyage, de l'initiation, de l'âme, comme c'est peut-être par exemple le cas dans La Route de Chrysopée ou dans le jeu de rôle de Colin ? Il y a vraiment un exercice de dans quel sens, quelle est la direction artistique, quel est le propos, quel genre de questions j'ai envie qu'on se pose. Ça, c'est clair. Après ce travail effectué, l'auteur s'en remet à ses joueurs. Et ce sont eux qui, au final, vont se poser des questions et vont y répondre à travers leurs actes. Et ça, c'est génial. C'est ça qui est génial. Alors, tu nous disais que tu t'étais éloigné du jeu vidéo, mais sur Sens, dis-moi si je me trompe, il me semble que une de tes inspirations, une de tes sources, c'est Super Metroid. Il y a Super Metroid, effectivement. Il y a aussi Legacy of Kain. Alors, qu'est-ce qui t'a... Notamment qu'est-ce la saga Soul River. Qu'est-ce qui t'a pris là-dedans ? C'est quoi ? Alors, c'est juste l'univers ? C'est juste l'esthétique ? Ou il y a des choses aussi dans ce que ça t'amène à réfléchir ? Alors, au niveau de Metroid... le truc essentiel, c'est l'idée de la réploïde. L'armure, c'est-à-dire, dans Metroid, ça s'appelle le costume, je crois, hein, la suit, ils l'appellent. Hein, c'est-à-dire cette armure qu'elle porte en permanence et qu'elle n'enlèvera qu'à la fin du jeu, finalement, et qui permet de gagner en possibilité, finalement. Et ça, c'est génial, parce que du point de vue du jeu de rôle, pour limiter les propositions que peuvent faire les joueurs... On peut leur faire gagner, à travers une armure de ce type, on peut leur faire gagner en proposition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis que ton armure, elle a des ailes, d'un coup, tu peux faire un ensemble de propositions en tant que personnage que tu ne pouvais pas faire avant. Tu pouvais pas atteindre le sommet du building d'un seul coup, tu pouvais pas, etc. Et donc, ce côté de l'armure peut faire quelque chose, ça c'est vachement intéressant parce que ça permet de débloquer des situations, etc. Mais exactement comme dans un jeu vidéo, il y a des zones, dans le sens, qui sont inaccessibles par moment. Tu sais qu'elles sont là. Tu sais que tu pourras y aller à un moment donné. Il y a des boss qui sont inaccessibles dans le sens. Tu sais qu'ils sont là. Il y a des instances. Tu sais qu'elles sont là. Tu peux pas y aller pour l'instant. Mais quand ton armure aura progressé, tu pourras y aller. Et il y a ça pour les boss. C'est-à-dire c'est très jeu vidéo, sens de ce côté-là. Mais il y a ça pour plein, plein d'autres choses. Et pour des possibilités qui sont au-delà de la possibilité... physique. Ça va parfois même dans la possibilité de réfléchir à des éléments, de se poser certaines questions. Ça, c'est l'aspect Metroid. D'autre part, dans Metroid, il y a le sound design aussi, mais je sais pas si on peut vraiment en parler. C'est-à-dire que je sonorise mes parties avec des sons qui viennent de Metroid. L'autre source d'inspiration, c'est Soul River. Dans Soul River, on a un jeu dont l'histoire est extrêmement métaphysique, mais je sais rien de le dire. Hein. Je sais pas si vous avez joué à Soul River. C'est même, il y a des gens qui ne comprennent pas l'histoire de Soul River. C'est tellement c'est tordu. J'en fais partie. Il y a des moments où je suis largué. C'est-à-dire qu'il y a des voyages dans le temps, il y a des événements possibles qui influencent des événements sur la réalité. C'est-à-dire, par exemple, il y a, en fait, à un moment donné, le héros de l'histoire, qui est Kane, décide de créer un paradoxe temporel qui se répète indéfiniment, à l'infini, parce que sinon, après cet événement, il y a deux solutions. Soit le monde est détruit, soit le monde est damné. Enfin, tu vois, c'est limite ça, quoi. Soit il détruit le monde, soit il se détruit lui-même, et donc, du coup, il permet à des grands méchants de revenir, et donc le monde est détruit. En gros, soit c'est lui qui le fait, soit le monde est détruit par quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, il choisit de faire un paradoxe temporel en disant, écoute, c'est très simple. C'est comme une pièce de monnaie. Là, aujourd'hui, on est dans un monde qui tombe soit sur pile, c'est mort, soit sur face, c'est eux qui nous tuent. Donc je crée un paradoxe temporel en espérant qu'un jour, la pièce tombe sur la tranche. Et tout part de cette idée, et je trouve ça, mais rien que de vous en parler, j'ai des frissons, c'est génial. Donc les deux personnages, en fait, sont condamnés à s'affronter éternellement, alors qu'ils s'aiment, mais ils s'aiment d'amour, hein, ces deux persos. Ils sont condamnés à s'affronter éternellement pour éviter que le monde ne soit détruit. Ils se détruisent eux-mêmes pour éviter que le monde ne soit détruit. Et t'as toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que se libérer de ces déterminismes. En même temps, t'as un parallèle avec le joueur, parce que le joueur est amené à jouer les seuls personnages qui sont libres dans cet univers, et qui sont donc les seuls à même de pouvoir créer le paradoxe temporel qui mènera à une issue possible du monde. Et ça pose des tas de questions. Et alors, la narration est sublime, la traduction française est à tomber, à se taper le cul par terre. C'est ultra poétique, c'est profond, c'est génial. C'est comme ça qu'on voudrait que tous les vampires d'Anne Rice parlent. C'est une manière de parler, c'est indescriptible. Et dedans, il y a des gens comme Benoît Hallemann, qui double la voix, qui est donc le doubleur qui a fait mon introduction pour Sens. Il y a des gens comme Bernard Lano, qui double Kevin Costner, qui sont aussi des gens qu'on entend dans d'autres jeux vidéo. Et donc, c'est des gens qui sont des super doubleurs et qui parlent super bien et qui nous mènent comme ça dans l'histoire. Et le troisième jeu, c'est Metal Gear. Pour l'implication, Metal Gear 1, pour l'implication, et le 2 aussi, un petit peu la fin du 2, pour l'implication du joueur dans la fiction. C'est-à-dire, pour moi, Metal Gear, c'est un des premiers jeux, peut-être avec Takeshi Challenge et tous ces jeux-là, et peut-être avec, ouais, je crois, qui commence à dire aux joueurs, si toi, joueur, tu fais quelque chose, attention, je ne parle pas du personnage, je dis, si toi, joueur, tu fais quelque chose, alors, moi, dans la fiction, je te récompenserai. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, c'est les premiers jeux qui brisent le quatrième mur. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que, d'un coup, le joueur n'est plus à l'aise dans son canapé, coupé totalement de la fiction. Non, non, on dit au joueur, si tu tues des gens, tu les tues vraiment. Enfin, tu sais, il y a un côté, d'un coup, tu dis, non, mais c'est plus du jeu, quoi. Il y a un côté, c'est problématique, les problématiques liées à Metal Gear de ce côté-là, pareil, sur la liberté, le déterminisme, on ne prend pas les pas en des heures, m'ont vraiment chamboulé, m'ont vraiment beaucoup inspiré pour Sens. Alors, toujours sur Sens, dans les choses un peu spécifiques de ce jeu-là et qui, pour le coup, le renvoie à la philosophie, on va être plus dans quelque chose qui est de l'ordre de la forme, mais c'est un jeu qui a quand même un truc un peu particulier par rapport à beaucoup d'autres en termes d'écriture, c'est que tu as un recours, je vais pas dire abusif, mais en tout cas assez fort aux notes de bas de page, ouais. Qui est quelque chose qu'on associe habituellement effectivement aux bouquins de philo, aux essais. Pour Sens Renaissance. Ouais, pour Sens Renaissance. Donc le premier, celui par lequel on attaque l'hexalogie. Tout à fait. Il y a effectivement aussi un pari de forme de ce point de vue-là. Oui, absolument. Ouais, tout à fait. Je voulais que mon livre soit à cheval entre, c'est un trépied, à cheval entre trois chaises. C'est pas forcément une réussite, ça, Manuel. On pourra en parler, mais c'est pas forcément une réussite. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça, c'était une spécificité. Non, c'est une spécificité, mais bon, je sais pas la spécificité dont je suis plus fier, mais en tout cas, voilà. Il y a la littérature, il y a la philosophie, et il y a le jeu de rôle. Et je voulais vraiment que mon livre il soit à cheval entre ces trois notions. Et que chaque personne qui vienne de ce milieu-là, c'est-à-dire que le rôliste, il puisse prendre le livre, il le comprend. Le philosophe, il peut lire, il prend le livre, il peut le comprendre. Le littéraire, il prend le livre, il peut le comprendre. Je voulais que ce soit comme ça. De façon à ce que ce soit un objet vraiment à la croisée des chemins. Pas cross-média, justement. Parce que Sens n'est pas du tout cross-média. Le cross-média, c'est développer un même univers sur différents types de médias. Là, c'est pas ça. C'est un seul truc. qui fait trois choses différentes, tu vois. C'est un petit peu... Dans l'idéal, j'aurais bien voulu aussi que Sens, on puisse le mettre dans une PlayStation 1 et que ça démarre, tu vois. J'exagère, mais c'est presque ça, quoi. Et en fait, le truc, par rapport à ça, c'est que les notes de bas de page servent à expliquer, parce qu'il y a un narrateur, en fait, qui est le méchant de l'histoire, qui parle au meneur de jeu et qui lui dit, voilà, à présent, tu vas commencer Sens et tu n'en ressortiras pas vivant. En gros, il lui explique quasiment ça dès le départ. Et il y a toute une dimension où, en gros, il y a des notes de bas de page laissées par un commentateur qui a déjà trouvé ce livre, donc, dont tu supposes qu'il a mal tourné, et qui explique les implications philosophiques de ce qu'est en train de dire le démon qui lui parle, en fait. Et donc le jeu commence comme ça. Et donc il y a un pari de forme, effectivement, parce qu'à l'époque, les jeux, c'est des couvertures, c'est A5, couverture cartonnée, tout en couleur, si possible. Et là, je propose un jeu, justement, qui n'a pas cette gueule-là, qui n'est ni un fanzine, ni un A4 cartonné, quoi. Qui est un livre qui peut être un livre de philo, qui peut se retrouver sur n'importe quelle étagère, mais j'étais pas le seul, ni le premier à faire ça. C'est John Doe, en fait, qui est le premier à commencer à faire ce genre de format très particulier. Oui, mais chez John Doe, c'était encore pas mal illustré. Ouais. Et puis, il n'y avait pas effectivement ce fonctionnement note de bas de page. C'est un double colonnage. Enfin, là, il y a quand même un pari de l'aridité, si on peut dire, qui a rien à voir avec ce que j'ai fait d'ailleurs. Tu vois, je ne m'étais pas rendu compte que c'était aride parce qu'à l'époque, moi, je lisais des livres comme ça avec plaisir. Donc du coup, quand je fais ça, ouais, ça me fait marrer. Mais je compare à la publication habituelle en jeu de rôle, notamment en termes d'iconographie. Mais bien sûr, ouais, bien sûr. Autre particularité sur Sens, c'est qu'il y a un lien avec ton podcast, ouais. Me semble. Oui, est-ce que tu peux nous parler de ce lien, parce que tu parlais de cross-média, trans-média. Mmh. Tu dis, je sais plus où est-ce que tu disais qu'il fallait se taper tous les épisodes de la cellule sur Sens pour continuer. Oui, c'est un peu abusif de dire ça, je pense. Je pense aussi. Je pense que le livre suffit. Le livre suffit, mais c'est clair que les podcasts ajoutent une dimension, en fait, au personnage et au livre. En fait, j'ai envie de dire que dans les podcasts, il y a tout ce que les MJ et moi aussi en tant qu'auteur, j'ai pas mis dans le livre ou j'ai pas dit dans le livre, mais ça reste que des interprétations du livre et la base reste la base, mais c'est vrai que c'est intéressant d'écouter les podcasts. Après, bon, voilà, j'encourage les gens à le faire, mais ça n'a vraiment rien d'obligatoire, encore une fois. Alors oui, il y a un lien, le lien est dans le nom. Déjà, on n'a pas appelé notre podcast Radio Rôliste Ludologie. On l'a appelé la cellule, et donc c'est pas du tout sexy pour Google, parce que la cellule, déjà on est classé dans les trucs de biologie. Si par exemple tu tapes la cellule, tu vas trouver des trucs incroyables, c'est assez marrant. Donc en fait on l'a fait parce que dans la fiction de Sens, il y a un groupe qui a vécu par le passé qui s'appelait la cellule et qui a été vaincu par la première impératrice de l'univers de Sens, qui s'appelle Ignos Première, et qui a vaincu la cellule. Et donc, ce qu'on dit de la cellule dans ce sens, c'est qu'a priori, c'était des game designers qui ont commencé à s'intéresser un petit peu trop près à la politique et à la science, et qui se sont servis, en fait, des outils trouvés dans le game design et dans les recherches menées dans les jeux pour dire, en gros, le monde est un jeu, et nous, maintenant, on va en faire les règles. Et tout commence comme ça. Et donc, le podcast, en fait, a un lien direct avec le jeu, dans la mesure où n'importe quel joueur peut se dire, mais en fait, l'univers de Sens a déjà commencé, il est déjà réel, en fait. La cellule est déjà en train de gagner. Et donc il y a un côté, encore une fois, briser le quatrième mur, c'est-à-dire que c'est comme si dans Metal Gear, tu découvrais qu'en fait, l'histoire de Big Boss, elle est vraie. Et les joueurs qui rentrent dans Sens savent très bien où ça va. Ils savent que ça va être un jeu dangereux, au sens de Mireille Dumas. C'est-à-dire un jeu dans lequel, lorsque la partie sera finie, elle ne fera que commencer. Ils le savent. Mais ils rentrent dedans pour autant. Et c'est ce qui crée toute la flip du jeu aussi. C'est-à-dire que c'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu d'immersion, c'est un jeu fantastique, fantaisiste un peu, de fantasy, on va dire, quoi. Et le fait que le jeu ait un vrai, enfin comment dire, un pied comme ça dans la réalité, ça crée en fait la dimension, ça fout les boules, quoi. Mais vraiment. Et moi je fous les boules et j'en fais exprès. Ça va, je te rassure. Ça va, je suis pas trop effrayant. Mais voilà, c'est le narrateur, bien sûr, fout les boules. Et comment on passe de Sens à le Maelstrom ? Alors ça, c'est différent. Le Maelstrom... Il y a quand même une filiation entre les deux ? Oh oui. Oui, il y a une filiation. Alors, en fait, tous mes univers sont liés, y compris le Val. Si on cherche bien dans ce sens, en fait, le Val existe déjà, il y a des indices qui conduisent à penser que... tout est lié, mais vraiment, hein, j'y mets un point d'honneur et je travaille ça à fond, et c'est aussi ce qui fait que mes jeux sont longs à sortir, c'est qu'il faut vraiment travailler toute une cohérence qui repose sur des carnets et des trucs un peu compliqués. Mais en tout cas, le Maelstrom est lié à sens, oui. Ceci dit, le Maelstrom est surtout une réflexion issue de mes discussions avec des gens comme Fabien Invine, Frédéric Sintès et Christophe Beuclet. Et également tous mes comparses de la cellule que je ne vais pas tous citer parce qu'ils sont très très nombreux. Le Maelstrom naît de l'idée que autour d'une table de jeu de rôle, on ne crée pas la fiction, on ne crée pas une histoire, contrairement aux définitions qu'on peut entendre ça et là, par exemple chez le joueur du grenier. Mais chez vous aussi, j'ai entendu quelques définitions un peu fallacieuses du jeu de rôle parfois, mais bon, ça va, je vous connais, je sais que vous pensez pas à mal. Ah, vas-y, arrête de nous brosser dans le sens du poil. Ouais, non, mais là, très souvent, on a cette tentation de décrire le jeu de rôle comme fiction créée à plusieurs, une histoire qu'on crée ensemble. C'est une véritable erreur, mais une grave erreur, parce qu'elle fait penser que le jeu de rôle pourrait recevoir des leçons de la littérature, du cinéma ou du jeu vidéo, justement, ce qui n'est pas le cas. Le jeu de rôle doit prendre soin de lui-même, il crée son propre objet, que j'appelle très mal et très moche le contenu fictionnel malléable. Tout le monde se fout de ma gueule à cause de ce terme. Je sais que c'est pas beau, le contenu fictionnel malléable. Il faudrait l'appeler la pâte à modeler, la sculpture, ou lui donner un nom plus joli, ou en tout cas un nom plus intuitif, mais je trouve que c'est le plus clair. L'objet du jeu de rôle, c'est un contenu fictionnel malléable, c'est-à-dire un truc sur lequel personne n'a autorité, donc personne ne sait exactement ce que c'est. Une fiction, une histoire, tout le monde peut prendre le livre et dire ce qui se trouve à l'intérieur. Le contenu fictionnel malléable, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Pourquoi ? Parce que le contenu fictionnel malléable est créé à partir des propositions qui sont faites autour de la table par les joueurs. Seulement, toutes les propositions que les joueurs font ne sont pas forcément énoncées. Il y a des fois où, par exemple, je propose que l'aubergiste a une moustache, mais personne autour de moi ne rebondit ni ne valide, et donc pour la plupart des gens, il est chauve et imberbe. Ou par exemple, on peut imaginer ça. Et donc pour moi, dans le contenu fictionnel malléable, il y a un aubergiste moustachu, alors que pour les autres, il n'est pas là. Autre cas d'école, c'est les MJ. Par exemple, dans un jeu de rôle traditionnel, où on a un MJ et des joueurs, ce sont les maîtres de jeu qui font sortir les joueurs. Si je fais sortir 3 joueurs autour de ma table et que j'en garde que 2, ces 2 personnes vivent une histoire, un moment, du contenu fictionnel malléable, qui est différent de ce que les 3 autres personnes ont vécu pendant qu'ils étaient dans la cuisine. En plus, dans la cuisine, ils peuvent continuer le scénar sans moi, MJ. Vous voyez ce que je veux dire ? Si ces 2 joueurs ensuite sortent et que les 3 autres entrent, en gros, on n'a jamais une histoire. On a autant d'histoires que de participants autour de la table. Et je ne parle pas d'interprétation, je sais ce que vous vous dites tous dans votre case, vous dites « il est en train de confondre histoire et interprétation ». Non, je ne suis pas en train de confondre interprétation. Je suis en train de dire qu'il y a bel et bien, lorsqu'il y a 5 joueurs autour d'une table, 5 histoires de créer, et que 5 histoires de créer, ça fait 5, encore 5 interprétations différentes. Autrement dit, l'objet du jeu de rôle n'est pas une fiction, n'est pas une histoire, mais un contenu fictionnel qui est si malléable que personne ne peut dire ce qu'il contient. Et je vous invite vraiment à lire le Maelstrom, parce que le Maelstrom sera toujours plus clair que ce que je vous dis là à l'oral, et en plus à l'oral c'est très très compliqué à expliquer. Mais en gros, le jeu de rôle a son propre objet, qui est ce contenu fictionnel malléable, et qui n'est pas une histoire, donc qui n'a pas à recevoir de leçons de la littérature. Je suis désolé pour Coralie David, mais sa thèse, par exemple, n'est pas à sa place. Elle ne devrait pas faire on ne fait pas une thèse sur le jeu de rôle en littérature. On fait une thèse sur le jeu de rôle dans une faculté de jeu de rôle. J'exagère. Mais justement, enfin, la thèse de Coralie est produite dans un cadre. Tu l'as rappelé tout à l'heure. Donc tu te contredis toi-même pour le coup. Je me contredis toujours. Et là, c'est à tort. C'est un philosophe qui a étudié la philosophie produit le Maelstrom. Non, mais alors, si tu veux, le truc, c'est que je ne veux pas que des livres sur le cinéma ou des livres sur la littérature ou des documentations sur le marketing ou des, de la documentation fonctionnelle pour créer du jeu vidéo me disent comment je dois créer du jeu de rôle. Pour moi, le jeu de rôle doit prendre soin de lui-même. Je n'ai pas besoin d'avoir les conseils d'un réalisateur, je n'ai pas besoin d'avoir les conseils d'un littéraire pour savoir ce qu'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle doit produire sa propre théorie parce qu'elle produit son propre objet qui, encore une fois, est une contenu fictionnel malléable, n'est pas une fiction. C'est un ensemble protéiforme par nature que chacun prend à tort pour une seule fiction parce qu'il prend sa fiction pour celle des autres, mais ce n'est pas vrai. Et donc, c'est... Voilà. Alors, j'ai pas répondu à la question, je m'égare. Comment on en vient de Sens au Maelstrom ? C'est ça la question, je ne l'oublie pas. J'allais le dire. C'est en fait, voilà, à travers les discussions, on s'aperçoit qu'il y a une forme de jeu de rôle traditionnel qui domine complètement le jeu de rôle. Tout comme le FPS aujourd'hui domine le jeu vidéo. Pour autant, dirions-nous, après avoir joué à un FPS à quelqu'un, tu as joué au jeu vidéo ? Jamais, jamais. C'est pas parce que je vous fais tester Call of Duty, je dis « Ah ben voilà, c'est bon, tu connais le jeu vidéo maintenant ?» Alors que dans le jeu de rôle, on le fait systématiquement. On présente Cthulhu à quelqu'un, on lui dit « Eh ben voilà, maintenant tu sais jouer au jeu de rôle, c'est bon, impeccable !» Grave erreur. Grave erreur, parce que le système traditionnel avec un MJ et des joueurs répartit l'autorité d'une manière bien donnée, c'est-à-dire que le MJ est en charge de l'univers, les joueurs sont en charge de leur personnage, on connaît à peu près cette... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a un MJ, il y a des joueurs. J'espère que... Un maître de jeu et des joueurs, j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde. Mais ça, c'est que ce n'est qu'une manière de jouer au jeu de rôle. Et donc, souvent, quand on demande à des spécialistes de définir ce qu'est le jeu de rôle, tout de suite, ils nous sortent. Eh ben, dans le jeu de rôle, il y a MJ qui a l'univers et il y a des joueurs qui ont le contrôle de leur personnage. Et là, je dis stop. C'est comme si vous vouliez présenter le jeu vidéo ou le cinéma et que vous disiez, bah, vous voyez, dans le cinéma, eh ben, il y a James Bond et il se bat contre le Spectre. Ou dans le jeu vidéo, eh ben, vous voyez, vous avez une vue à la première personne, etc. Non, le jeu de rôle n'est pas réductible à sa forme traditionnelle. Le Maelstrom est donc une tentative, pour répondre à ta question enfin, Manuel, de trouver une définition du jeu de rôle qui permette de pouvoir considérer, enfin, que Les Petites Choses Oubliées de Christophe Buckley, qui n'a pas de MJ, que Polaris de Ben Lehman, qui n'a pas de MJ, soit enfin considéré par les rôlistes comme du jeu de rôle. Parce que j'en ai ma claque d'entendre des rôlistes dire « Ceci n'est pas du jeu de rôle » pour justifier en gros leur flemme intellectuelle de ne pas aller voir ailleurs et de rester gentiment spécialiste de leur discipline rôliste avec un MJ et des joueurs. Mes couilles. Alors, si je peux me permettre, au-delà de ta position, je trouve que la comparaison avec le jeu vidéo n'est pas très très heureuse. Parce que sans vouloir rentrer nécessairement dans la polémique, j'ai l'impression qu'en jeu de rôle, si on a autant de joueurs qui sont dans la sensation que le jeu de rôle c'est un jeu avec un meneur et des joueurs, c'est parce que c'est un modèle vraiment vraiment dominant, alors qu'en jeu vidéo par exemple, je suis très très loin d'être certain que le FPS est un modèle dominant. Non, c'est le solitaire le modèle dominant. Hein, c'est le solitaire, le modèle dominant. Bah, je pense que c'est le match 3 à l'heure actuelle. Ouais, d'accord. Mais on a des approches. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en jeu vidéo, il y a quand même beaucoup de MOBA en ce moment qui tournent. Il y a du RTS. Il y a vraiment. Il y a une conscience globale forme, l'approche est variée. C'est bien, c'est parce que les joueurs de jeux vidéo sont compétents dans leur propre domaine. C'est bien. J'ajouterais sur la comparaison avec le jeu vidéo, que moi du coup je trouve pas pertinente, parce qu'en fait la différence fondamentale entre cette problématique rôlistique entre guillemets et la problématique vidéoludique, c'est que en fait on est dans une histoire de communauté dans le jeu vidéo, dans le sens où il y a une communauté d'hommes majoritairement blancs qui sont encore dans cette idée du divertissement pur et qui du coup voient d'un très mauvais œil ceux qui viennent questionner d'une manière ou d'une autre le jeu vidéo. Je pense qu'il y a cet aspect communautaire qui n'est peut-être pas dans le jeu de rôle à voir. Alors c'est vrai que je reconnais que ma comparaison, je suis d'accord avec vous pour dire qu'elle est malheureuse par rapport au FPS, mais par contre dans le jeu vidéo ces tensions elles existent. Je vous invite à aller écouter le podcast de Gameblog qui est sorti juste avant Noël, où il y a un débat entre Julien Chiez et AHL qui est très intéressant, où à un moment donné, Julien Chiez défend un jeu qu'il appelle un jeu narratif, parce que je sais pas, dans le jeu vidéo il paraît qu'il y a des jeux narratifs et des jeux qui le sont pas. Moi je trouve que tous les jeux à peu près racontent. Ah non mais non, je dis de la merde, pas forcément. Non, je pensais au jeu de rôle, en fait je pensais au jeu de rôle. Oui, Tetris ne raconte pas l'histoire, évidemment. Je pensais au jeu de rôle en fait quand tu dis ça, mais jeu narratif en tout cas j'aime pas cette distinction. Je trouve qu'elle nécessiterait d'être encore plus détaillée. Bref, Julien et AHL ont un débat et AHL lui dit à un moment donné, pour moi ce n'est pas un jeu, il n'y a pas de gameplay. Voilà, et ben ça, ce débat là c'est exactement le même qu'on a dans le jeu de rôle. Quand des gens viennent nous voir et nous disent c'est pas un jeu de rôle, il n'y a pas de MJ, ou c'est pas un jeu de rôle, il n'y a pas tel ingrédient que j'aime bien, il n'y a pas de dé, il n'y a pas de truc. Souvenez-vous de Ambre. Quand Ambre sort, on trouve encore des tas de reliquats, de discussions sur les forums ou des vidéos où des mecs nous disent bah, je suis désolé, bah, moi s'il n'y a pas de dé, et bah, c'est pas du jeu de rôle. Hein. Et ben ça... Mais ça, mais à toutes les époques, ça a existé. Les gens, pour vous dire, ceci n'est pas de l'art, ceci n'est pas du jeu de rôle, ceci n'est pas du jeu vidéo, il y en a plein. Moi, j'ai voulu faire une définition, non pas pour dire, ça s'en est, ça s'en est pas, mais pour ouvrir, en fait, le champ des possibles, pour dire, tout ça s'en est. Tu vois ce que je veux dire ? Et dire, voilà la définition avec laquelle je travaille, avec laquelle je crée. Maintenant, par exemple, Gaël Sacré, qui vient de faire un jeu qui s'appelle Happy, qui se joue tout seul. Patatras, ma définition du jeu de rôle, ne prévoit pas qu'un joueur puisse jouer tout seul à un jeu de rôle. Donc ma définition est mauvaise devant l'éternel. Elle est nulle. Le Maelstrom, c'est dépassé. C'est déjà pourrave. C'est de la merde. Mais... Parce que ouais, il y a un mec qui a appelé un jeu de rôle un truc qui joue tout seul. Or, dans le Maelstrom, on suppose que la réflexion doit être collective. Patatras, Romaric, tu l'as dans le cul. Tu peux dire... Donc, vous dites, je me contredis. Oui, mais je l'accepte bien volontiers de me contredire. Ça ne dérange pas d'avoir tort. Et là, par exemple, avec le Maelstrom, oui, il y a un jeu qui est sorti qui contredit le Maelstrom. Pour autant, ça n'empêche que moi, c'est la définition avec laquelle je travaille. Et je trouve intéressant d'essayer de formuler une définition des termes que moi-même j'emploie pour parler du jeu de rôle. Après, je ne vais pas utiliser cette définition pour contredire quelqu'un et dire à Gaël, non, c'est pas du jeu de rôle, Happy, c'est parce qu'on n'est pas collectif et tout. Non, le but de ma définition n'est pas de castrer, le but de ma définition est d'ouvrir. Et je l'ai vu, je l'ai faite pour ça, et je l'ai voulu comme ça, et je l'ai pensé comme ça, et voilà. Et notamment contre tous ces gens qui disent, c'est pas du jeu de rôle parce qu'il n'y a pas de MJ, il n'y a pas de joueur, etc., etc. Heureusement, ce que je dis là, c'est déjà dépassé aussi. Parce que je trouve que la communauté rôliste a énormément évolué. Et ces caricatures, on en est déjà très, très, très loin. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Tu lèves les yeux, c'est elle, toi. Oui, on en trouve encore. Il suffit de savoir où chercher. D'accord, ok. Mais au-delà de ça, du coup, quand tu dis que tu fais le Maelstrom pour ouvrir, ça m'intéresse beaucoup, parce que nous, chez Ludologie, on aime ouvrir. Notre approche, c'est d'essayer d'ouvrir la réflexion sur le jeu. Et justement, pour le coup, moi, je suis tenté de penser que la transversalité, ça ouvre des ouvertures. Je suis totalement d'accord avec toi. Et toi, justement, d'un point de vue transversalité, tu disais qu'il ne faut pas qu'on aille chercher des leçons dans les autres formes de fiction, dans les autres formes culturelles, parce que le jeu de rôle est une forme culturelle en soi qui a ses propres codes et qui n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais quand tu fais le Maelstrom, j'aimerais savoir ton public, à qui tu veux amener de l'ouverture ? Tu veux amener de l'ouverture aux rôlistes pour qu'ils se posent des questions un petit peu différentes sur leur jeu ? Ou est-ce que tu as envie aussi d'aller faire quelques clins d'œil à des universitaires qui travaillent justement sur la fiction sous différentes formes, sur la question de ce que c'est que la fiction, pour leur dire hey, « Eh les gars, venez voir ce qui se passe du côté du jeu de rôle, il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser parce qu'on a une pratique justement qui est différencié de ce qu'on peut trouver en littérature ou en cinéma ou même en poésie. Alors en deux temps. D'abord, il faut bien comprendre ce que je veux dire quand je dis qu'on ne doit pas s'inspirer de la littérature. Évidemment qu'on doit s'inspirer de tout. Moi aussi, je suis méga favorable à la transversalité. Évidemment que mon gros troll sur Coralie... Non mais Coralie, voilà, enfin... Je m'excuse Coralie de troller, mais c'est cool qu'une littéraire s'intéresse au jeu de rôle, évidemment. Je veux dire, et c'est cool que le jeu de rôle s'inspire d'œuvres de fiction, etc. Mais une chose est de s'inspirer, une autre est d'aller utiliser du vocabulaire qui appartient à notre média pour parler de ce média. Par exemple, ce que cherche très souvent à faire Jérôme Larré, je trouve ça assez insupportable. Le fait, et je lui ai déjà dit, hein, sur Facebook, il y a eu des grandes discussions, enfin des petites discussions, mais qui sont grandes par l'esprit, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, Jérôme ? Donc ce sont des discussions qui sont courtes mais profondes sur l'idée qu'il ne faut pas chercher à utiliser, par exemple, du vocabulaire du cinéma pour trouver la grammaire du jeu de rôle. Le jeu de rôle a sa propre grammaire. Le jeu de rôle a déjà des théoriciens qui parlent de jeu de rôle avec déjà des théories. Ça sert à rien d'aller chercher du vocabulaire ailleurs, on en a déjà. On a que trop utilisé le mot scénario pour parler d'une partie de jeu de rôle. On a que trop utilisé le mot metteur en scène pour parler du meneur de jeu. Il faut pas faire ça. Mais je pense que Jérôme sait qu'il ne faut pas le faire. Donc je ne dis pas qu'il... Mais si on peut arrêter le méta un peu et revenir au sujet aussi. Ah, mais non, mais on est complètement... on est complètement dans le sujet là. Quand Manuel me demande comment il faut s'inspirer en fait des autres choses, c'est de ça dont je parlais, c'est la transversalité. C'est-à-dire, oui, je sais. Alors, je vais préciser parce que c'est pas ce que j'ai demandé. Hein. Est-ce que moi j'ai demandé si ton objectif c'était plutôt d'amener une réflexion philosophique et un recul sur leurs pratiques oralistes, ou si c'était d'aller chercher des théoriciens de la narration et pourquoi pas des philosophes pour leur dire venez, là il y a un terrain de jeu formidable. D'où le deux temps. En fait. J'ai dit que j'allais répondre en deux temps. Je suis désolé, mes temps sont longs en fait. Je suis désolé. Ouais. Bon, alors, voilà, c'était juste pour dire que je dis pas qu'il faut pas s'inspirer les uns des autres. Évidemment qu'il faut communiquer entre nous. Je suis le premier à aller parler à des joueurs de jeux vidéo, à aller parler à des littéraires, etc. Tout ce que je veux, c'est éviter qu'on normalise l'activité du jeu de rôle à travers un autre prisme qui serait pas celui du jeu de rôle. Je veux que le jeu de rôle prenne soin de lui-même et qu'il, justement, lorsqu'on sait qui on est soi-même, que l'on peut aimer quelqu'un d'autre et que l'on peut s'inspirer des autres. Tant qu'on sait pas d'abord qui nous sommes, tant qu'on sait pas quel est notre objet, on peut pas s'inspirer pour produire cet objet. Voilà, j'essaye d'aller le plus vite possible. Deuxième point, cette histoire. Moi, je ne veux pas faire en sorte que plus de gens viennent au jeu de rôle. Je veux que le jeu de rôle soit en lui-même sa propre source d'intérêt, et que les gens viennent au jeu de rôle non pas parce que je le leur demande ou parce que je produis ou parce que je les aguiche avec de la théorie. Je ne produis pas des appâts alléchants. Moi, ce que je veux, c'est que le jeu de rôle soit intéressant en lui-même, c'est-à-dire que ce soit vraiment intéressant, et qu'en fait, un jour, au lycée, au collège, les gens, ils n'aient pas le choix. Et c'est pour ça, par exemple, que je ne veux pas que Sens devienne un film. Que je ne veux pas que Sens devienne une œuvre littéraire. Parce que j'estime que Sens est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle en français, en plus. Donc, si vous voulez profiter de Sens, eh ben, mes couilles le cinéma, mes couilles la littérature, mes couilles l'anglais, il faudra parler français et faire du jeu de rôle. C'est-à-dire que j'estime qu'il faut que les œuvres soient suffisamment fortes en elle-même, pour que les gens soient obligés de s'y intéresser. Il faut suffisamment briller pour que, de toute façon, dans le ciel, on ne voit que vous. Et le jeu de rôle doit briller. Et donc, il n'a pas à aller chercher, à aller aguicher, dire « Oh, s'il vous plaît, pitié, cinéaste, intéressez-vous au jeu de rôle, s'il vous plaît, pour que nous puissions exister. S'il te plaît, joueur du grenier et ta belle chemise hawaïenne, fais une émission sur le jeu de rôle pour amener plein de gens à nous. » Non, il n'a pas besoin de faire ça. La seule chose qu'a besoin de faire le jeu de rôle pour être un média à part entière, et pour faire émerger des questions, et pour faire en sorte que tout le monde s'y intéresse, c'est de produire des objets intéressants. Donc, je ne suis pas dans une démarche aguicheuse. Ça ne m'intéresse pas, Manuel. Je suis vraiment dans une démarche de faire d'abord des bons jeux de rôle. Et quand les jeux seront bons, les gens qui viendront à nous le seront également. Au-delà de... Et on ne parle pas du tout de philosophie. On est encore en train de faire un podcast. Justement, ouais. J'allais y revenir. Donc, effectivement, donc, au-delà de tes problématiques de public, etc., ce que je retiens de cette grande aparté, c'est qu'effectivement, dans le Maelstrom, il était question de souligner l'indépendance du médium jeu de rôle par rapport à d'autres médiums. Exactement, tout simplement. Putain, en fait, t'aurais dû lui poser la question à lui, Manuel. Donc voilà, c'est ce que je retiens. Mais c'est une grande question, puisqu'on a évoqué... Mais tout ça, c'est de la philosophie qu'on est en train de faire. Exactement, j'allais venir dans ma question. On n'a pas quitté le champ. C'est ça, en fait, c'était que, en fait, là, pour la première fois, le jeu de rôle se pensait en tant qu'objet de réflexion philosophique. Eh bien oui, parce que déjà, la phrase « le jeu de rôle doit prendre soin de lui-même », en fait, indirectement, elle n'est pas de moi. Le premier à avoir prononcé cette phrase à l'égard d'une discipline, c'est Wittgenstein, à propos de la logique. Il disait « la logique doit prendre soin d'elle-même ». Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les philosophes analytiques cherchent à fonder les mathématiques et la logique... En fait, les philosophes analytiques cherchent à fonder la logique et les mathématiques. Et de même les mathématiques grâce à la logique. Et dans le langage, dans les maths, ils cherchent des éléments pour fonder la logique. Et on cherche des justifications à la logique. Et on les cherche où ? Pour les philosophes analytiques, on les cherche dans le monde. On cherche à voir ce qu'il y a dans le monde qui fait qu'on le pense de façon logique. Et Wittgenstein dit non. La logique, comme les mathématiques, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure des mathématiques, n'a besoin de personne. Elle existe en elle-même, en montrant le sens des signes qu'elle emploie, à travers des propositions qui sont considérées de manière arbitraire, de manière totalitaire, comme des tautologies. Et donc, c'est une discipline à part entière, qui n'a pas la nécessité d'être fondée sur quelque autre discipline que ce soit. De la même manière que le jeu de rôle n'a pas besoin de se prétendre une entité littéraire pour être justifié à exister ou n'est pas, etc. etc. Il doit prendre soin de lui-même, il doit chercher ses propres concepts, ses propres définitions et le propre sens des mots qu'il emploie dans l'activité elle-même et pas ailleurs. Il ne doit pas se fonder sur autre chose. Je ne sais pas si je suis très clair, je vous vois tiquer, si ça va, ok. Manuel, tu voulais poser une question, je crois. Non, je te laisse continuer, vas-y. Donc voilà, le champ, si tu veux, on n'a pas cessé de faire la philosophie, parce que qu'est-ce que la philosophie, si ce n'est une science ou une discipline, on ne peut pas l'appeler une science, qui cherche à poser des questions pour créer des nouvelles disciplines. Regardez la philosophie. La philosophie a créé quoi ? La physique, la métaphysique, la sociologie, récemment, l'histoire. Toutes ces disciplines, à un moment donné, émergent de questions qu'on se pose et on trouve un objet qui est là, qui fait l'objet de ses propres questionnements, et on décide de le mettre à part, d'en créer une matière à part entière. Autrement dit, comme on dit, la philosophie est mère de toutes les sciences. La philosophie est une matrice qui crée des objets qui, plus tard, deviendront des sciences à part entière. Eh bien, vouloir faire du jeu de rôle son propre objet ou vouloir montrer quel est l'objet du jeu de rôle, c'est vouloir faire du jeu de rôle une discipline comme les autres, comme l'histoire, comme les mathématiques, comme la littérature. C'est dire, il y a un objet qui est là, qui est ce qu'on crée au cours d'une partie de jeu de rôle, qui est le contenu fictionnel malléable, qu'on crée sous certaines conditions, avec certaines règles, etc. Il faut définir ces conditions, définir ces règles pour comprendre cet objet et produire des objets de plus en plus intéressants. Donc, en fait, c'est pour ça que je me définis d'abord comme philosophe au début du podcast, que je dis à Manuel, je suis un philosophe avant d'être un rôliste. Et donc, je cherche à donner, à fonder l'objet du jeu de rôle, quoi, pour en faire une discipline à part entière. Et ça m'agace quand on parle de fiction pour le jeu de rôle et une histoire de jeu de rôle, d'une histoire dans le jeu de rôle, parce que le propre de la création d'une histoire, je ne crois pas que ce soit le jeu de rôle qui le fasse. Le jeu de rôle ne crée pas des histoires intéressantes. Le jeu de rôle crée des situations, des contenus fictionnels malléables intéressants, mais techniquement, dans un jeu de rôle, avec un navet, mais avec une histoire de merde, genre un monstre dans un manoir, on peut faire une partie extraordinaire. Alors qu'il est faux de dire que l'on peut faire une histoire extraordinaire avec un monstre de merde dans un manoir. Enfin, oui, mais bien sûr. T'as plein d'exemples qui te viennent en tête, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le jeu de rôle qui est particulier au jeu de rôle, qui fait qu'on peut faire de mauvaises histoires, mais de bonnes parties. Donc, c'est bien que le propre d'une partie de jeu de rôle, ce n'est pas de créer une bonne histoire ou une histoire collectivement, mais de créer quelque chose d'autre, d'extraordinaire, qu'on ne sait pas encore ce dont il s'agit. Sans sauter complètement du coq à l'âne, est-ce que c'est des réflexions que tu n'as pas envie d'étendre au jeu comme média en faisant croiser les différentes typologies de jeux ? Je dis ça parce que le Val des Étoiles, au-delà de sa composante narrative, c'est quand même un jeu de cartes. de façon non négligeable. Si je ne m'abuse, en ce moment, tu travailles sur un jeu qui s'appuie pas mal sur le jeu d'échecs. Tu es intervenu à plusieurs, à plusieurs reprises pendant le festival, enfin pendant le Stunfest, dans des conférences qui parlaient de jeux vidéo, ouais. Beaucoup. Quand je parlais de transversalité, je parlais de transversalité aussi spécifique au jeu, de le média ludique. C'est vrai qu'on est sur ludologie, on n'est pas sur jeu de rôlogie. Et oui. Et non, mais t'as raison, alors. Et du coup, est-ce que même s'il y a une passion pour le jeu de rôle, est-ce que tu as un regard du coup philosophique sur la pratique ludique en règle générale et comment tu réfléchis à ça et comment tu approches ça? T'as vraiment raison de me recadrer, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on parle du Maelstrom, je deviens fou et puis je commence à... Mais c'est parce qu'on touche à des sujets qui me touchent vraiment. Alors oui, donc par rapport, effectivement, on est là pour parler du jeu et de la philosophie. Est-ce que finalement ces réflexions, est-ce que le jeu a un objet en fait? Et du coup, il y aurait une espèce de science. Est-ce que on peut... Est-ce qu'on peut faire de la ludologie? C'est ça. Est-ce qu'on peut faire de la ludologie? Alors, mais ce serait plutôt à vous de répondre à cette question. C'est une tentative. Parce que quand vous avez fait ce podcast, vous avez... C'est peut-être à nous de poser les questions. Non. Ici, on est le MJ et tu es le joueur. Ah d'accord, ok. Non, mais j'aimerais bien voir votre... Mais en fait, ici. Du coup, la question de Manu, je vais la reformuler autrement peut-être. Une piste de réflexion assez intéressante. Mais attends, puisque tu as détaché, entre guillemets, le jeu de rôle d'autres... Comment dire? D'autres constructions narratives ou fictionnelles. Je te laisse déterminer... est-ce qu'il n'y a pas encore un os dedans, un os dans le sens de structurant, qui est ce ludique, et qui en tout cas est notre postulat dans ce podcast, notre question en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas cet os qui est le ludus, le ludique, en fait, c'est ce qui, me qui mérite d'être étudié par de la ludologie? Alors, c'est moi j'ai l'impression en fait que le ludique, il apparaît dans... Alors là-dessus, je suis assez d'accord avec Henriot. Il apparaît en fait dans toute nouvelle expérience faite avec, j'ai envie de dire, n'importe quel objet, quoi, finalement. N'importe quel objet peut faire jeu. N'importe quel objet peut devenir un jouet et faire jeu. Et donc, du coup, je crois que c'est l'homme qui est proprement ludique. Je crois que c'est une propriété de l'homme, en fait, en un sens. L'homo ludens. J'ai du mal à avoir les animaux jouent aussi hein. De quoi? Les animaux jouent aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, y a une attitude ludique qui est propre à plein d'espèces vivantes en fait. Oui, et puis tu as parlé à plusieurs reprises de vocabulaire et du fait qu'il fallait pas importer le vocabulaire d'autres médias dans le jeu de rôle. Pour le coup, il y a quand même une transversalité du vocabulaire entre jeu de rôle, jeu vidéo, jeu de société. En tout cas, quand on s'intéresse au fondement, à ce que ça fait dans la tête des gens, hein, tout simplement, qui jouent. Parce que pareil, en jeu vidéo, on peut jouer une histoire qui a peu d'intérêt. Et pourtant, comme on est projeté dedans, ça nous apporte quelque chose. Est-ce que c'est pas finalement la question des c'est pas une question auxquelles les neurosciences devraient répondre? Alors, à un moment ou un autre, si on trouve un spécialiste des neurosciences qui s'intéresse au jeu, d'ailleurs, je lance un appel. C'est une question qui nous pose question avec Adrien depuis longtemps, mais il faut qu'on trouve le l'invité. Voilà. Ouais. Hein, si vous nous écoutez, vous faites des neurosciences, on est preneurs. En tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a, mais même dans le champ philosophique, maintenant que tu as pu développer, genre au-delà de la partie fictionnelle, dans la partie ludique, dans l'interaction, dans ce que ça provoque chez les joueurs, au-delà de produire des récits, il y a aussi, c'est pas pour rien que c'est un support de distraction, ouais. Le jeu de rôle. Il y a aussi une génération de plaisir. D'aucuns appelleraient ça le fun, je crois. Quelle transversalité il y a là-dedans? Est-ce que toi, tu n'es pas tenté, maintenant que tu commences à avoir vraiment une pensée très structurée sur le jeu de rôle, de dire comment est-ce que cette pensée elle peut s'appliquer? Comment est-ce qu'elle peut s'appliquer à d'autres supports de jeu? Comment elle ne s'applique pas? Qu'est-ce qui coince? C'est ouf. En fait, ce qui coince, c'est l'objet. C'est-à-dire le contenu fictionnel malléable. Par exemple, dans le jeu vidéo, il devient le contenu fictionnel organisable. Parce que dans le jeu vidéo, le code est d'ores et déjà fixé sur un support. Donc du coup, tout ce que tu peux faire, c'est choisir l'ordre d'exposition qui va être le tien au cours de ton expérience. Par contre, les questions, en fait, la situation de Maelstrom, c'est-à-dire le fait de se poser des questions en permanence sur des situations possibles, on la trouve pas uniquement dans le jeu de rôle. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui me disent que ma définition du jeu de rôle est trop large et qu'elle inclut aussi le jeu de plateau, finalement. Jusqu'où est-ce que quand on fait une... Alors, c'est compliqué de parler de contenu fictionnel malléable quand on fait une partie de Monopoly, mais on est quand même en train de s'interroger collectivement sur des situations possibles. Même quand on joue au Monopoly. Moi, j'allais te dire que ça inclut aussi, dans une certaine mesure, les forums de fanfiction. Oui, et Facebook. Et Facebook. Et ça, je le savais. Hein. Et ça, je le savais quand j'ai sorti ma définition, parce que moi, j'ai toujours considéré que, en un sens, Facebook était un jeu de rôle, en fait. Et donc, pour moi, c'est la preuve que cette activité ludique de jeu de rôle peut marcher. Tout le monde veut faire des propositions, tout le monde veut des gemmes. Je veux dire, c'est clair et net. Je veux dire, donc ça veut dire que il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et tu vois, c'est marrant parce que moi, je me considère vraiment comme un spécialiste du jeu de rôle et des jeux de rôle en règle générale, mais j'ai du mal à prétendre faire des lois sur le jeu, tu vois. Après, j'ai envie de te répondre sur toutes les questions que tu as posées, que je suis pas compétent, en fait. Que dans le fond, je connais pas assez bien les théories du game design dans le jeu vidéo pour pouvoir te répondre, même si je les connais un petit peu à travers les podcasts que j'ai enregistrés. On a aussi interviewé des spécialistes sur les questions de flow, comme des gens comme Stéphane Gros qui bosse chez Ankama et tout ça. Mais je crois pas être compétent. Je sais pas si le jeu a une existence à part entière. Et justement, je me demande jusqu'où est-ce que le jeu, et ça je le dis dans un podcast, des podcasts d'Altaride, hein, les podcasts de Julien Poire, que je me demande jusqu'où le jeu est pas comparable complètement à la philosophie, dans la mesure où le jeu serait la mère de toutes les activités ludiques, tu vois, comme la philosophie, la mère de toutes les sciences. C'est-à-dire qu'en fait, du jeu va découler des tas de choses. Là, on a le jeu de plateau, on a le jeu de rôle, on a le jeu vidéo. Regardez le nombre de disciplines qui sont en train de se créer. Et moi, je ne serais pas surpris que dans 203 ans et demi, quand on va se retrouver pour enregistrer un match retour, eh ben on soit en présence de tas de disciplines différentes qui chacune se consacrent à des objets différents. Et donc du coup, là aussi on voit un lien étroit entre le jeu et la philosophie. Et c'est pour ça que je rejoins Brice Roy sur sa réflexion de fond, même si oui, on peut critiquer, enfin oui, la philosophie c'est ce qui remet en jeu, ok, c'est un raccourci, mais on voit bien ce qu'il veut dire. Et quelque part, il y a un lien comme ça entre la philosophie et le jeu, au sens de la structure, c'est-à-dire que la philosophie c'est la mère des sciences, c'est celle qui génère de nouveaux objets qui vont faire science, et quelque part la ludologie dont vous êtes en train de faire le podcast, c'est un peu cette espèce de mère de tous les jeux qui va donner au fur et à mesure naissance, et ça, l'origine en fait, c'est comme se poser la question de l'origine de la philosophie, c'est comme se poser la question pourquoi l'homme fait de la philo. Pourquoi l'homme se pose-t-il des questions à l'égard du monde ? Et là, dans le fond, la question que vous êtes... Et c'est pour ça que je ne suis pas compétent. C'est pourquoi l'homme joue-t-il ? Tu vois ? Et là, tu es là. Tu sais, j'ai envie de dire, vaste programme, quoi. Est-ce que c'est une question anthropologique ? Est-ce que c'est une question, comme vous l'avez dit, éthologique ? Parce que, comme tu l'as dit, Adrien, il y a des animaux qui jouent, effectivement. Est-ce que c'est une question de neurosciences ? Et là, c'est comme la philosophie, quoi. J'ai envie de dire, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des points communs. C'est clair. Il y a quelque chose d'en commun. Ce que effectivement, c'est peut-être que la ludologie, si un jour elle existe au-delà du podcast, est peut-être une discipline transdisciplinaire plutôt. Ouais. Alors, c'est-à-dire que la philosophie comprend des mathématiciens, peut-être des juristes, que sais-je. Ouais. Néanmoins, dans le Maelstrom, tu déploies une certaine méthodologie. Oui, mais c'est ça. Et voilà. Et justement, ça, ouais. La philosophie est empreinte de méthodologie. Peut-être quelles sont les bonnes pratiques, peut-être, pour pouvoir poursuivre une réflexion philosophique sur des schémas comme les nôtres, qui sont le jeu. C'est une question piège, elle est contradictoire, en fait, parce que la philosophie, justement, suppose... C'est comme si tu me disais, quel est le bon moyen de produire une œuvre d'art ? Et là, je vais te dire, bah, le bon moyen de faire une œuvre d'art qui marquera jamais son temps, c'est de sortir du cadre. Donc de justement ne pas suivre la méthode que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Et puis là, t'explique ta méthode. Dans le fond, voilà. Et donc, ce serait un peu pareil, tu vois, te dire, ouais, est-ce qu'il y a une bonne méthode pour faire de la philosophie ? Bah, inventez votre méthode, en fait, parce qu'il n'y a pas tant de méthodes. D'une manière générale, on dirait, ne rien, ou enfin, faire attention à l'évidence. Quand quelque chose vous paraît évident, faites attention. Mais tu vois, je dirais que ça. Et la bonne vieille phrase de Socrate, hein, l'essentiel, c'est de savoir que je ne sais rien. Tu vois, enfin, non, mais ouais, c'est vieux comme les Grecs. Hein, et je pense que c'est encore plus vieux que les Grecs, en fait. Hein. Mais voilà, je pense que c'est la seule attitude. Mais par rapport à la ludologie, à la transversalité et tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Enfin, vous, je pense que c'est, enfin, justement, ce serait dangereux, encore une fois, comme ce que je viens de dire au sujet de la philo, ce serait vraiment dangereux de dire ce qu'est la ludologie. Parce qu'à partir du moment où vous allez faire quelque chose de sérieux, de stable, autour du jeu, vous trouverez toujours un jeu qui va sortir du cadre, qui va dire « Regardez, les gens s'amusent avec moi et pourtant je ne tombe pas sous votre définition. » Et là, on commence gentiment peut-être à trouver l'une des explications qui fait qu'on fait de la philosophie et qui fait qu'on joue. C'est qu'en fait, l'humain ne se satisfait jamais de son cadre. Et donc, il cherche toujours à aller au-delà de ses propres possibilités. Et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'il est aujourd'hui la créature dominante sur la Terre et demain sur l'univers. Évidemment. Non, mais j'en sais rien. Mais tu vois, c'est ça, quoi. C'est le fait de toujours sortir du cadre. Ouais. Donc, sortir du cadre. Et je pense qu'on est bien sorti du cadre complètement, complètement. Ce podcast. Heureusement que Manuel m'a recadré. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à détacher les questions de philosophie et de jeu de l'activité de philosophie que je mène. Je n'arrive pas à. Parce que, en un sens. Comment dire on est, on, comment dire, je peux pas dire la vérité. Mais je peux être sincère. Et c'est la seule chose que je peux faire. Et donc, du coup, quelque part, bah oui, à chaque fois qu'on parle, qu'on m'interroge sur philosophie et jeu, je présente mes théories, j'essaye de présenter ma démarche. Parce que je pense que c'est la seule que je peux bien expliquer et sur laquelle je sois clair. Mais voilà, je suis désolé de faire mon vieux gâteux et toujours raconter. Non, mais c'est passionné et passionnant, heureusement. On va s'arrêter là. En tout cas, les questions sont posées. On espère peut-être te revoir bientôt pour poser de nouvelles questions, qui sait. Et je vais laisser à Manuel la question traditionnelle. Souvent, c'est moi qui m'y colle, mais il n'y a pas de raison. Hein, ça fait longtemps. Voilà, parce que comme chez les anciens, tout est histoire de tradition. Nous, on a une question pour finir notre podcast systématiquement. À quoi tu joues en ce moment, Romaric ? Alors, en ce moment... Ah, je vais te dire un truc de fou. Je joue... Ah, en ce moment, je ne joue à rien parce que je suis dans l'écriture de sens. Et que ça me prend un temps fou. Les playtests sont déjà faits, tout est déjà derrière, il faut écrire. Même pas une petite partie de cartes, même pas une petite session de vidéo. Si. Je joue à Magic comme un gros porc. J'ai téléchargé Magic 2015 sur ma tablette parce qu'on m'a fait une tablette à Noël. Je suis fou avec ma tablette et je suis en train de jouer à ça. Et sinon, je suis aussi en train de jouer à un très vieux jeu qui s'appelle Nephilim, qui est un jeu multisim sur lequel on prépare des podcasts de campagne dont je ne sais pas si on pourra les enregistrer vraiment parce que les joueurs avec qui on joue sont pas fans du podcast, donc c'est compliqué. Mais je joue aussi à Nephilim, qui est un très très mauvais jeu, mais un nid à questions, à problématiques qui est super intéressant, un univers qui pose en fait une grille d'analyse sur le monde qui est passionnante. Donc voilà, c'est à ça que je joue en ce moment. Mais sinon, je joue beaucoup à vivre en ce moment. J'aime beaucoup vivre. J'ai du mal à faire la distinction entre le jeu et la vie. Je ne cesse de jouer tout le temps. On joue tous un rôle en permanence, au travail, tout le temps. Et mon jeu préféré, je crois que c'est celui d'enregistrer des podcasts chez Ludologie. Je crois que c'est vraiment le truc qui me fait le plus marrer en ce moment. Bon, bah écoute, c'est sur ce cirage de pompe qu'on terminera le numéro de cette semaine du Ludologie. Alors, 24, 25 e, on ne sait même plus compter. C'est fou. Alors, je sais bien que pour Romaric, on a l'air d'être des tout petits, mais c'est déjà pas mal pour nous. On vous retrouve bien évidemment dans 15 jours, nouvel invité, nouveau sujet. Alors il y a des chances qu'on ne parle pas de jeu de rôle cette fois-ci. On va essayer d'un peu de varier les plaisirs, mais en tout cas on aura encore des questions compliquées à poser si je ne m'abuse. On se prépare à un mois de février, début de mois de mars, bien rock'n'roll. Accrochez vos neurones, vous allez en avoir besoin. Nous d'ici là, on va continuer à jouer, à bricoler, on va tester les jeux qu'on produit pour éprouver nos hypothèses et nos idées. On vous en parlera à l'occasion. En tout cas, c'était un plaisir pour nous, Romaric, de t'avoir reçu. J'espère que pour vous, les auditeurs, ça a été les poditeurs même, je crois qu'on dit quand on veut faire très en ligne. J'espère que pour vous, c'était un plaisir de nous avoir suivis. Et je tiens à vous dire qu'Adrien parle en dehors des micros aussi. Voilà. Ça, c'est il y a des tas de choses que vous ratez parce qu'il parle en dehors des micros. Bon, allez, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, continuez à jouer.